Chui Yingjun, directeur général de la compagnie à responsabilité limitée commerciale de Xianlong de Dandong de Chine et sa suite, Che Yonghong, ancien sous-recteur de l'Université des sciences et techniques de Yanbian de Chine, sont arrivés le 13 courant à Pyongyang par train pour participer au 21e floralie de Kim Jong-il. Précédemment, sont arrivés Fang Lui, directeur général de la compagnie à responsabilité limitée de commerce et d'économie de Doucen de la ville de Jilin de Chine et sa suite, et Li Yonghao, administrateur général de la compagnie à responsabilité limitée commerciale de Shengming de Dandong de Chine.